Premier temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la réaction des sociétés face aux épidémies. Aujourd'hui, notre grande invitée est Anne-Marie Moulin, médecin, historienne et philosophe. Demain, dans la fabrique, nous débattrons de la grippe espagnole, mercredi de l'apport de l'archéologie à l'histoire des épidémies et jeudi, le documentaire de Séverine Attard et de Marie-Laure Ciboulet nous racontera la peste de Sisteron. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, et nous allons lui demander comment les épidémies récentes permettent, par exemple, de réfléchir aux épidémies du passé. Bref, comment Ebola ou encore la grippe aviaire nous permettent de mieux comprendre la peste noire ou les cholères du 19e siècle. Cette puce va transmettre la peste à celui qu'elle piquera. L'un de ses rats, appartenant à trois familles différentes, est le vecteur de la maladie. On croyait la peste éradiquée depuis des années. Elle ne l'a jamais été. Pire encore, depuis 90, le bacille Yersinia pestis, que l'on étudie ici à Pasteur, sévit de plus en plus fréquemment. Plus de malades, des foyers plus nombreux et des foyers nouveaux. C'est en 18, là. On descend du mois de mai, et puis il y a des gars qui sont malades. Pour commencer, il y en a deux ou trois, on a évacué un ou deux, et puis après, et tout le monde était malade. Alors, il y en a qui n'étaient pas malades le soir, puis le lendemain, ils étaient morts. Alors, à ce moment-là, c'est cette grippe espagnole qui s'est déclarée. Depuis le mois de mai, 27 personnes meurent chaque jour du choléra au Yémen. La maladie s'est propagée car les Yéménites sont épuisés, affaiblis par plus de 2 ans de conflit. Dans toutes les villes, la poubelle s'accumule dans les rues, la poubelle s'accumule autour des hôpitaux. La poubelle est évidemment un vecteur prodigieux pour la propagation de la maladie. À ça, on rajoute que seulement 30% de médicaments aujourd'hui et de matériel médical entrent au Yémen. Donc voilà, tous ces facteurs sont des facteurs aggravants d'une situation qui continue à se détériorer. MSF estime que pour chaque cas d'Ebola confirmé, 80 personnes doivent être vaccinées. Pour le moment, seule la moitié peut être prise en charge. Les gens peuvent continuer à circuler en ville. C'est pas un couvre-feu, si vous voulez. C'est très calme. La population peut aller à l'église, mais ne peuvent pas rester en rue et aller à des manifestations publiques, etc. Donc ça reste très très calme en ville. Mais les gens acceptent plutôt bien ces mesures. Ils se rendent bien compte que faut faire quelque chose pour essayer d'arrêter cette épidémie. C'est la 4e fois de son histoire que l'OMS décrète l'état d'urgence mondiale. Après la grippe H1N1, la polio et Ebola, l'Organisation mondiale de la santé qualifie désormais Zika d'urgence de santé publique de portée mondiale. Bonjour Anne-Marie Moulin. Merci d'être avec nous ce matin donc pour ouvrir cette série d'émissions consacrée à l'histoire des épidémies et à l'histoire des réactions des sociétés face à ces épidémies. Marie-Laure Ciboulet, notre réalisatrice, a préparé ce petit mélange d'archives, ce petit cocktail qui n'est pas médicamenteux, mais un cocktail d'archives où on entend à la fois parler de la peste qui revient, qu'on croyait éradiquée, des malades de la grippe espagnole, celle-ci semble éradiquée, mais on ne sait jamais, du choléra au Yémen, de la fièvre Ebola ou encore de l'état d'urgence mondiale décrété par l'Organisation mondiale de la santé. Vous connaissez bien ces questions puisque vous étiez encore au tout début de l'année du côté de la Guinée pour regarder ce qui se passait avec cette fièvre Ebola. Et vous êtes donc médecin, mais vous réfléchissez aussi en tant que philosophe et vous avez fait aussi des travaux d'histoire à ces questions justement d'épidémie et de réaction des sociétés face à ces fièvres, face à ces épidémies qui se déclenchent à un bout du monde et qui peuvent parcourir l'ensemble de la planète assez rapidement. C'est quoi justement que de réfléchir à ces épidémies dans un contexte contemporain, mais en regardant vers le passé, ce que le passé peut nous apprendre, Anne-Marie Moulin? Ce qui frappe beaucoup en écoutant le petit cocktail que vous nous avez préparé, c'est le sentiment de familiarité. Toutes ces nouvelles alarmantes qui raconte ce que subit la population, comment elle se comporte, c'est finalement étonnamment proche de ce que décrit l'historien grec Thucydide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec ce qu'on appelle la peste d'Athènes. Vous remarquez d'ailleurs au passage que peste ne veut pas dire peste au sens bactériologique d'aujourd'hui, la bactérie décrite par Yersin en 1893, mais ça veut dire une catastrophe et on discute encore pour savoir si la peste était la peste. De toute façon, le terme est resté pour désigner une catastrophe. Mmh. Et Thucydide montre bien que l'épidémie entraîne un bouleversement, une révolution dans la société. Et la plupart de ces remarques, de ces observations, peuvent plus ou moins mutatis mutandis s'appliquer à la société d'aujourd'hui. Parce que, comme le disait le reportage dont on entendait un extrait sur le Yémen, une société effondrée, et c'est le cas de la société yéménite après plusieurs années de guerre, une société effondrée est beaucoup plus sensible à l'arrivée de n'importe quel germe, n'importe quel virus, et donc n'importe quel épidémie, Anne-Marie Moulin, c'est ce qu'on apprend en regardant l'histoire. Là encore, la peste d'Athènes, elle ne survient pas dans un moment de paix et de prospérité, elle survient au moment de la guerre entre Athènes et les cités voisines. Donc on a là encore des analogies très frappantes. Et cette révolution dans la société se manifeste par une perte de la solidarité qui est bien décrite par Thucydide et qu'on retrouvera aujourd'hui, à savoir les gens s'enfuient, les médecins prennent très rapidement les meilleurs moyens pour disparaître et il y a un abandon à l'intérieur des familles. Surtout, on ne sait pas que faire des cadavres et alors qu'une société normalement repose sur le respect dû aux morts et aux futurs ancêtres. Là, à ce moment-là, on s'en débarrasse dans des tombereaux, etc. Donc une vision qui va finalement perdurer à travers l'histoire et qu'on retrouve dès que les conditions redeviennent propices à une épidémie, comme la guerre qui rompt les canalisations d'eau, qui désorganise la population et peut-être fait aussi baisser leur sens moral. Oui, c'est une vraie question que vous posez là. C'est la question du chaos qui à la fois précède et accompagne les épidémies. C'est-à-dire que il y a un chaos qui est un chaos politique, un chaos militaire, un chaos social, pourrait-on dire. Et puis l'épidémie vient se glisser dans ce chaos pour rendre ce chaos plus grand encore, Anne-Marie Moulin. Il y a parfois un lien chronologique qui peut se renverser. L'épidémie annonce la guerre. Ah oui. Alors ça, c'est un cas de figure un peu différent, mais il a été illustré par un roman que j'aime beaucoup, j'en parle parce qu'il est peu connu, qui s'appelle La Fêlure. Et c'est un roman tunisien qui porte sur le choléra de la fin du 19e siècle, avant l'arrivée des Français. Mmh. Et curieusement, la panique qui s'empare de la population devant le choléra, la désorganisation, le récit mis dans la bouche d'un vieux chir qui tout d'un coup s'éloigne de sa famille, se met à boire, passe ses soirées dans les tavernes et finit en s'enfuyant. Il est tué sur la ligne de quarantaine en essayant de quitter la ville maudite. Et donc il y a là, au contraire, une épidémie qui va annoncer, au fond, l'invasion des Français. Comme quand Camus utilise la métaphore de la peste aussi, par exemple, pour pouvoir réfléchir à un chaos donc à la fois politique et social. C'est vrai que lorsque on vous lit et on lit les spécialistes d'histoire des épidémies, on voit bien comment ce terme que vous avez utilisé, par exemple, de quarantaine, est important parce que on a compris très tôt la façon dont, non pas dont naissaient les épidémies, mais dont on pouvait peut-être les circonscrire momentanément. Et ces questions de quarantaine nécessitent effectivement une organisation sociale, une organisation hiérarchisée, la volonté coercitive d'un pouvoir d'empêcher ses citoyens de quitter la cité ou le pays pour éviter qu'ils ne répandent au loin la maladie. Tout cela, effectivement, c'est un ordre politique qui accompagne un ordre sanitaire et social. Un ordre coercitif. Et comme toujours, quand il y a un ordre coercitif, la révolte s'organise. Et par conséquent, les lazarets, les endroits de quarantaine, sont des endroits où l'on corrompt le geôlier, où l'on s'échappe. Et précisément, les cordons sanitaires qui sont constitués par des soldats qui tirent à la moindre alerte, c'est précisément là encore quelque chose d'inutile. On le voit très bien au moment du choléra qui a fait le sujet du roman de Giono. ça plaît aux romanciers, les épidémies. Ça permet des passions intenses. Il faut dire que Le Hussard sur le toit est un magnifique roman, effectivement. Et l'amour au temps du choléra. L'amour au temps du choléra également. Donc on voit bien avec vous, Anne-Marie Moulin, qu'il faut à la fois cet ordre et éviter le désordre. Mais évidemment, la panique se met en chacun d'entre nous lorsque on voit poindre la question épidémique, lorsque le mot même d'épidémie est prononcé, et encore plus celui de pandémie que l'on peut entendre de temps en temps sur nos antennes. Cela, évidemment, c'est compliqué. C'est-à-dire garder son sang-froid dans un contexte épidémique, c'est vertueux, mais très difficile, voire impossible, Anne-Marie Moulin. Mais c'est tellement important, ce sang-froid, que des médecins, pendant longtemps, ont pensé que c'était le principal remède contre l'épidémie. Il ne fallait pas avoir peur. Le choléra est d'ailleurs caractérisé par ce qu'on appelle une peur bleue. Pourquoi bleue ? C'est simplement parce que le principal symptôme du choléra, c'est une déshydratation aiguë. La personne bien vivante, en 48 heures, se transforme en cadavre, avec les yeux excavés et une coloration de cadavre quasiment bleuâtre. Et comme si, on voit des représentations, comme si la personne voyait la mort arriver, elle a les yeux exorbités, elle a peur. Donc un remède serait d'éviter la peur, de mener une vie normale, de festoyer avec des amis, pas trop, avec une bonne discipline, une diététique impeccable. Mais si on prend peur, on a un récit d'une Saint-Simonienne au Caire pendant le 19e siècle, et elle explique qu'il y avait un médecin qui tranquillement soignait les malades, et il avait traversé plusieurs épidémies sans problème. Et puis un jour, il subit un choc psychologique, sa femme meurt, et à ce moment-là, il a peur, et il fragile. Meurt très rapidement. Oui, vous voulez dire qu'il y a les conditions psychologiques, disons, d'acceptation ou de refus de se laisser prendre par la maladie. C'est assez complexe tout de même. Pour ceux qui ne croient pas à la contagion, car au 19e, il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas à la contagion, l'essentiel, c'est d'aborder l'épidémie d'un air serein. Oui, et donc avec une sorte de force intérieure qui vous permet d'éviter de succomber à cette maladie. Ce qui explique tout de même combien, quand on vous lit, Anne-Marie Moulin, les stratégies de lutte contre les épidémies sont complexes, parce qu'il faut à la fois traiter médicalement l'épidémie en train de se développer, il faut également éviter les pressions politiques, les pressions économiques, il y a des pressions économiques qui sont liées à ces questions-là, évidemment, il faut tenter de soulager, de séduire, voire, on l'a dit tout à l'heure, coercitivement, d'intimider les populations. Tout cela, c'est une sorte d'arsenal qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'on arrive encore à comprendre, quand on est historienne et philosophe de ces maladies comme vous, comment se met en place tout cela quand on regarde sur la longue durée les façons dont les princes, dont les souverains, dont les républiques, dont les régimes démocratiques ont réagi face au déclenchement de ces épidémies? Est-ce qu'il y aurait une sorte de modèle ou plusieurs modèles justement de réaction, Anne-Marie Moulin? Eh bien, dans l'organisation de ce qu'on appelle maintenant la riposte, c'est le mot qui a été employé pour Ebola, pour éviter justement de reprendre la trace des épidémies antérieures, il faut innover. Il y a un effort au cours de l'épidémie d'Ebola pour ne pas employer le vocabulaire habituel. On évite par exemple le terme de quarantaine que vous avez évoqué, qui est fâcheux dans les populations, quelque part se souviennent, lazaret, prison, tout cela est très désagréable. Et donc on parle d'isolement communautaire. C'est une formule très jolie pour dire qu'on vous isole à la maison, mais qu'on vous barricade. Plus ou moins, au moins moralement, vous n'avez pas le droit de sortir. Mmh. Et au fond, on retrouve des dispositifs qui ont été mis en place par les gouvernements au cours, par exemple, des épidémies de choléra du 19e. Et pourtant, à l'époque, on n'était pas pasteurien, on n'avait pas découvert tout un tas de mécanismes justement de transmission des maladies. On était parfois encore dans une médecine galénique qui remontait à l'Antiquité, la médecine des humeurs. Comment se fait-il que avec des régimes médicaux qui soient si différents les uns des autres, d'une certaine façon, on ait mis en place à peu près tout le temps les mêmes manières d'agir quand une épidémie se déclenchait dans une société, Anne-Marie Moulin? Il n'y a pas finalement 36 mesures pour éviter la diffusion d'une épidémie. Au 19e, il y a deux grandes écoles. C'est l'école qu'on dit infectionniste et l'école contagionniste. En termes plus simples, l'infection, ça veut dire qu'il y a un foyer qui résulte en général de conditions climatiques, d'humidité, de promiscuité des habitants, d'entassement, de pauvreté, etc., créant un foyer qui diffuse des miasmes dans l'atmosphère. Ça, c'est la première école. La deuxième, c'est la contagion, comme on la comprend le plus souvent, c'est-à-dire la transmission d'une personne à une autre. Et à ce moment-là, la mesure pour combattre, c'est l'isolement. L'isolement, la quarantaine chez soi ou dans un hôpital ou dans une structure. Mais de toute façon, dans les deux cas, il y a des mesures qui vont heurter la population. Dans le cas de l'infection, on va brûler par exemple les maisons. Pour le choléra, c'est ce qu'on fait. On brûle les maisons, on brûle les hardes, on brûle les marchandises. Donc il y a un dommage considérable à l'économie du pays. À l'économie du pays, et le résultat, c'est que une chose aussi qui est très frappante dans les épidémies, c'est qu'on cherche des boucs émissaires. Les boucs émissaires, dans l'histoire, ça a pu être les juifs, les nomades, les pauvres, et puis ça peut être les médecins. Car au fond, à qui profite l'occasion, c'est les médecins. Et par conséquent, il y a des soupçons, en particulier au XIXe siècle, où ils sont accusés d'être semeurs de peste, de jeter des cadavres dans les puits pour les empoisonner. Et par exemple, en Russie, à la fin du XIXe siècle, Tchekhov, qui était lui-même médecin, l'a bien décrit, on tue les médecins parce qu'on pense que ce sont eux, finalement, les fauteurs de l'épidémie. L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants. Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola. Ebola, tu es notre ennemi. Vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur. Ebola, Ebola. Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée pour son premier numéro de la semaine à l'histoire des épidémies et à la façon dont les sociétés réagissent face à ces épidémies en compagnie de la philosophe, chercheuse et médecin qu'est Anne-Marie Moulin. Alors on vient d'entendre ce titre de Tikonja Fakoli qui est donc un des très grands chanteurs de l'Ouest africain qui tente de mobiliser autour de comment on peut faire des messages sanitaires pour la grippe dans nos propres pays pour mobiliser autour de la question de cette fièvre ébola. Voilà, que vous connaissez bien, Anne-Marie Moulin. Si on repart de ce 19e siècle dont on a parlé tout à l'heure, avec le choléra, avec la naissance du pasteurisme et de tout ce qui, justement, permettait la croyance de nos sociétés de la disparition de ces épidémies. Parce que il y a eu véritablement une véritable foi médicale entre la fin du 19e siècle, les inventions pasteuriennes. Et mettons les années 1980-90, et que au bout du compte, cette foi est un peu ébranlée aujourd'hui parce qu'on a vu revenir des épidémies. Vous insistez beaucoup sur le fait qu'on a cru à l'éradication de beaucoup de ces maladies. On a cru à l'éradication de la variole, puis ensuite de la tuberculose, puis du trachome, de la lèpre, etc., etc. Anne-Marie Moulin, et qu'on voit bien que la variole peut revenir, que la tuberculose n'est pas totalement éradiquée, que le paludisme existe à l'état endémique dans beaucoup de pays du monde, et que cette question de la suppression des maladies et des épidémies n'est peut-être plus autant à l'ordre du jour qu'elle l'était, mettons, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ah, nous traversons sûrement une période de pessimisme. Et d'ailleurs, en venant chez vous à la radio, je passe toujours par la grande place, pas loin d'ici, où il y a le monument à Pasteur. Mmh. Pasteur est assis sur son fauteuil au sommet d'un superbe monument et il y a une frise en bas où on voit la mort, une vieille femme avec sa faux qui chancelle. Et je trouve que ce monument, qui est assez oublié, qui est dû à Falguière au début du XXe siècle, est vraiment très caractéristique d'une période de foi. Pasteur est assis sur son trône, un simple fauteuil, et de là, il terrasse en quelque sorte la mort. Et d'ailleurs, lui-même a eu des accents prophétiques pour dire que grâce à l'isolement des bactéries, la découverte des causes profondes des maladies, et surtout de leur manipulation, pour en faire autant de vaccins et de sérums bénéfiques, on allait plus ou moins faire disparaître les épidémies. Un grand espoir qui est partie constituante du mythe pasteurien. Et vous avez participé à la réédition chez Belin d'un livre de Henri Mollaret et de Jacqueline Brossolet, qui est un livre ancien sur Alexandre Yersin, qui s'appelait auparavant, précisez-vous, Alexandre Yersin ou le vainqueur de la peste. C'était en 1985 quand il paraît. Et il a été retitré, avec votre avant-propos, Anne-Marie Moulin, « Un pasteurien en Indochine ». Et vous dites, entre ces deux sous-titres, il y a justement ce doute qui s'est insinué de la victoire sur la maladie. Voilà, il n'est pas vainqueur de la peste, Yersin, parce qu'au bout du compte, quand on étudie son travail, il a certes découvert le bacille, mais il n'a pas découvert les moyens de l'éradiquer. Et c'est grâce, mettons, aux antibiotiques du milieu du XXe siècle qu'on a réussi à, disons, non pas éradiquer, mais à repousser le plus loin possible la peste, même si elle existe à l'état endémique, comme à Madagascar ces temps-ci, par exemple, Anne-Marie Moulin. Eh oui, ce changement de titre, qui n'est pas dû aux auteurs, parce que je pense qu'il est dû à l'éditeur, prouve qu'on est un peu plus timoré qu'avant et qu'on n'ose plus tout à fait parler de vainqueur ou de victoire. Ce genre de titre ne passe plus tout à fait. Et indice d'ailleurs d'un changement de stratégie de la part des historiens, on examine plutôt des aspects peu connus de l'œuvre de Yersin. Par exemple, Yersin a monté un laboratoire en Indochine. Nadrang Pardon. Anadrang, c'est ça? Anadrang. Oh, ouais. Vous prononcez. Trang, pardon. je crois qu'on dit Nyatchan. Excusez-moi. Et il a monté un laboratoire où il fabriquait, évidemment, il cultivait la bactérie, mais aussi il fabriquait des essais de vaccins et des sérums. Et voilà qu'en ce moment, il y a des chercheurs, des historiens qui découvrent que peut-être ce laboratoire a été à l'occasion de fuites de bactéries dans le milieu et serait peut-être la cause d'une petite épidémie locale survenue et qui était évidemment fâcheuse pour les médecins. Oui, c'est-à-dire que celui qui était censé vaincre peste aurait été accidentellement le provocateur et donc le propagateur. En tout cas, Yersin a bien perçu le danger. Les autorités coloniales se sont beaucoup alarmées et Yersin a été très prompt à essayer de prouver qu'il ne pouvait pas y avoir eu de fuite et que probablement la peste venait de Chine, le grand réservoir de bactéries, l'ennemi de toujours, etc. Et l'affaire a été enterrée. Et voilà une façon dont on voit bien que les historiens critiquent, déterrent des choses qui pourraient bien, quelque part, un peu ternir le prestige du vainqueur de la peste. Oui, et c'est vrai que effectivement cette histoire sur laquelle se plongent aujourd'hui les historiens, les historiennes ou les philosophes des épidémies comme vous, Anne-Marie Moulin, permet de réfléchir. Vous avez travaillé sur, par exemple, les médecins des princes, donc dans un des à l'Est, enfin dans le Moyen-Orient ancien, à réfléchir à la question de savoir pourquoi, par exemple, les princes se dotaient de médecins qui n'étaient pas de leur propre peuple, de leur propre population, et quel était le rôle de ces médecins auprès des princes quand se déclenchaient, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, se déclenchaient des épidémies sur leur propre territoire, comment ils conseillaient le prince, justement, en fonction de leur savoir de l'époque, vis-à-vis de ce qu'il fallait faire. Et vous dites, effectivement, le médecin se trouve dans ces conditions-là, mais vous l'avez été aussi en étant experte dans beaucoup de cas, entre pouvoir et savoir. Le médecin, au moment de l'épidémie, il a cette facette qui fait partie, je pense, constitutive de son métier, en particulier quand il soigne les princes, c'est diplomate. Car une épidémie, c'est la mise en place de frontières. La frontière peut être immédiate, elle peut être lointaine, mais la circulation est le problème principal. Avec Ebola, on l'a bien vu. Dans un premier temps, le président de la Guinée a dit « Nous sommes solidaires, il n'est pas question de fermer les frontières avec le Liberia et la Sierra Leone ». Et là, il y a eu un peu un jeu de valse hésitation. D'autres pays plus proches n'ont pas hésité. Le Sénégal a fermé ses frontières. Il y a eu d'ailleurs tout un drame autour du patient guinéen, l'unique patient d'Ebola au Sénégal, qui a été au centre d'un véritable de contestation entre les deux pays, de poursuite des Guinéens sur le territoire sénégalais, et finalement de renvoi par un avion spécial du malade retournant en Guinée. Et donc vous voulez dire qu'effectivement, il est très difficile de résister à cette idée de la clôture, par exemple, quand il s'agit de gouverner son propre pays, parce que il faut rassurer ses propres populations au détriment parfois des voisins. La fermeture-ouverture des frontières, c'est là vraiment quelque chose, un nœud de l'épidémie. Si on ferme la frontière, d'abord on épouvante les populations, on entraîne évidemment une contrebande et le surenchérissement des denrées qui ne peuvent plus circuler. C'est une perte économique catastrophique, c'est un geste d'inimitié à l'égard de voisins avec lesquels on tente d'avoir de bonnes relations, etc. Mais si on laisse la frontière perméable, à ce moment-là, l'épidémie ne va pas manquer de flamber de part et d'autre d'une frontière qui, la plupart du temps, dans la vie quotidienne, est perméable. Donc c'est un vrai dilemme. Oui, et vous dites que on utilise désormais, dans les termes de médecine internationale, de l'Organisation mondiale de la santé, le terme de sécurisation des maladies infectieuses. Et vous dites, tout compte fait, ce terme de sécurisation nous renvoie à d'autres termes de sécurisation et de sécurité qui sont liés à la question terroriste, au risque parfois de faire se joindre ou se conjoindre ces deux questions qui sont a priori séparées l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser ce terme de sécurisation dans un contexte où tout le monde, d'une certaine façon, a peur? De toute façon, moi, mes enseignants pour le choléra nous racontaient ce qu'il fallait faire si on se trouvait face à une épidémie. Ça passait toujours par un cordon sanitaire et par l'armée qui encadre les endroits stratégiques. Donc, il y a une connotation militaire et répressive qui fait que tout naturellement, les notions de terrorisme et d'épidémie viennent confluer. Et vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a un terme anglo-saxon, « preparedness », qui est utilisé beaucoup et qui est un concept qui permet à tous ceux et toutes celles qui travaillent à la question des épidémies dans le monde de réfléchir à nouveau frais, pourrait-on dire, à ce qui va se passer au moment du développement d'une épidémie. Qu'est-ce que cette « preparedness » ? Alors la « preparedness », dit avec, en essayant d'avoir un petit accent anglais. Ce que je n'ai pas, hein, je vous rassure. Non, mais c'est très chic, ce terme. Et ça permet d'oublier qu'au fond, c'est un processus qui a été mis en place. Je pense qu'avec la peste Sisteron, dont vous allez parler cette semaine, vous allez retrouver la preparedness sans le nom, dans le passé, à savoir stocker des provisions, organiser la circulation. Et finalement, et on le voit bien dans le cas de la grippe, organiser ce que j'appellerais un état minimum. Dans la mesure où tout le monde s'enterre chez soi, il va falloir, de façon générale, il va falloir vivre autrement, avec un état restreint, un petit nombre d'administrateurs, fermer les écoles, et, on l'évoquait tout à l'heure, avant l'antenne, faire des programmes d'enseignement qui permettent de laisser les enfants chez eux. Ce qui a été donc préparé au moment de la grippe A, la grippe qui était donc, c'était il y a une dizaine d'années, H1N1, voilà, puisqu'on avait confié le soin à Radio France de préparer des programmes d'enseignement pour toutes les classes, dans toutes les matières, pendant deux lots, pourrait-on dire, deux fois trois semaines d'enseignement, c'est-à-dire à l'automne, ou au printemps, au cas où se déclencherait une grippe importante qui nécessiterait de maintenir les enfants chez soi. Oui, on voit bien qu'effectivement, tous les outils de l'État se mettent en œuvre à ce moment-là pour pouvoir justement imaginer ce qui se passerait au cas où. Mais on est toujours surpris, Anne-Marie Moulin. Mais oui, alors la preparedness, c'est un exercice qui a beaucoup plu au gouvernement. Il y a une sorte de compétition, en particulier parmi les pays les plus pauvres. Évidemment, il y avait de l'argent à récupérer en prouvant qu'on était le meilleur candidat à la bonne preparedness. Il y a eu tout un tas d'exercices virtuels, car il s'agit là évidemment de recruter des mécanismes qui se déploieront au bon moment. Et donc, il y a eu des exercices dans les aéroports, etc. Mais cette preparedness avait été en fait succédée à une réflexion sur une épidémie qui n'avait pas du tout répondu justement à ces conditions d'organisation, c'est la peste de Surat. C'est en Inde, près de Bombay. Voilà. En 1994. C'est près de Bombay. En 1994, il y avait eu cette ville, était une sorte de ville de chercheurs d'or, avec des travailleurs venant de toute l'Inde qui travaillaient dans les pierres précieuses. Et les premiers cas de peste ont semé la panique. Et avant toute organisation, les mineurs et les ouvriers se sont répandus dans toutes les régions de l'Inde d'où ils provenaient. À la suite de sa panique générale, les aéroports sont bloqués, on bloque les gens, on bloque les marchandises. C'est une perte considérable pour l'Inde. Mmh. En fait, avec une maladie ou un peu de sang-froid et des antibiotiques, aurait pu assez rapidement régler la situation. C'est à la suite de l'enseignement de cette peste de Surat que la preparedness a été mise à l'honneur. On a une épidémie, car tout le monde sont grippés, il y en a pas dans mes amis. On parle à toute cette année, tous les magasins de castaines, ils font d'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. C'est les dum, hatchoum, les dum, ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, ça le temps vous faire soigner. Un petit gin, puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir les patins. L'air, c'est le litum. Si vous venez qu'à empirer, procédez-vous avec vite qu'entrer. Si vous avez mal au cœur, prenez une pause de pine calère. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile 14. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas les fuyants en zone. C'est le rythme. Moi et puis mon mari, on est allé faire du ski. Et rendu au Mont-Tremblant, il faisait froid, c'est effrayant. J'avais la face comme une fourchure, puis le bout du nez, je dure. Je vous dis que c'est pas rose quand on a un brin de nose. La grande chanteuse québécoise La Bolduc, Tout le monde à la grippe, un titre des années 20 et 30, donc qui montre effectivement qu'avec un peu de gin et de citron, dit-elle, on peut faire passer la grippe. Je ne sais pas si c'est aussi simple que cela, mais enfin, en tout cas, ça faisait partie des recettes traditionnelles quand on n'avait pas encore du paracétamol ou des antibiotiques. Alors, avec vous, Anne-Marie Moulin, on réfléchit à cette question de la mise en place justement des moyens de protection contre les épidémies quand elles survivent. surviennent dans nos sociétés complexes. Et nos sociétés sont d'autant plus complexes qu'il y a aussi des courants qui vont à l'encontre de ces mesures coercitives dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée que, eh bien, on est des individus et qu'en tant qu'individu, on a son quant à soi, qu'on est capable de se gouverner soi-même. Et pourquoi se laisser gouverner par un pouvoir qui serait justement coercitif, qui nous obligerait soit à rester chez nous, soit à être mis en campement ou en quarantaine pour pouvoir éviter d'être contagieux pour tous les autres. Et cela, ça fait partie de la complexification du rapport du médecin, des autorités à la maladie. Oui, on le voit bien avec le message sur la chanson d'Ebola. C'est un leitmotiv. Allez voir le docteur, allez voir le médecin. Mais précisément, la communication n'aide pas toujours à comprendre ce qu'il faut faire. Dans le cas de l'Ebola, il y a eu un message qui a été contre-productif, c'est « la maladie n'a ni traitement ni vaccin oui. ». La population, logiquement, se dit « pourquoi aller chez le médecin puisqu'on n'y trouvera rien ? Pourquoi aller à l'hôpital ? Pourquoi on nous force à aller à l'hôpital, qui n'est qu'un mouroir ?» Là, il y a eu probablement une erreur majeure dans la communication. Le message qu'il n'y avait ni traitement ni vaccin et qui ne faisait pas allusion aux possibilités de réhydratation, de lutte contre l'hémorragie, a été catastrophique. On mourait à l'hôpital, pourquoi y aller ? Il aurait fallu faire passer un message disant « il n'y a peut-être pas de traitement, c'est déjà compliqué de faire passer un message subtil, mais vous trouverez un accueil, des soins que vous ne trouverez pas chez vous ». Le message n'a pas passé. Et cela aussi, on le voit pour la question des campagnes vaccinales. Vous travaillez aussi sur cela, Anne-Marie Moulin. La résistance aux campagnes vaccinales, à la vaccination, qui croît dans certains pays, comme le nôtre par exemple, qui ne voit plus, dites-vous, la maladie se développer. Pourquoi se vacciner contre l'hépatite B quand on ne sait pas très bien quand elle se déclenchera ? Pourquoi se vacciner contre la poliomyélite qui ne s'est plus déclenchée depuis les années 50 ? Et pourtant, quand on est né dans les années 60 comme moi, on sait que certains de ses petits camarades d'école ou ses grands camarades d'école avaient été victimes de cette polio qui avait frappé tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, notre société. C'est très important, je vois que nous faisons partie de la même génération, que nous nous souvenons d'avoir vu des enfants qui boitaient, ou même plus grave, des enfants étendus sur des civières que l'on promenait sur les plages. C'est des choses qui frappent. La génération d'aujourd'hui a perdu cette image de l'épidémie. Et c'est très difficile, par conséquent, de faire peur, alors que finalement, maintenant, on peut camper sur l'idée d'une bonne nature. Beaucoup de gens en France disent une bonne rougeole, ça crée des défenses bien plus importantes qu'un vaccination. Et ça veut dire que donc ils ne se vaccinent pas et ou ils ne font pas vacciner leurs propres enfants, mais au risque que se développe une épidémie dans le reste de la population. La résistance au vaccin, elle a des sources très variées suivant les pays. Elle est un peu différente d'un pays à l'autre. Je pense que chez nous, le choc a été très dur parce que c'était un pays, notre pays est le pays de Pasteur. Donc on croyait au vaccin. Quand on se met tout d'un coup à ne plus y croire... À en douter. On doute et à ce moment-là, c'est un phénomène qui s'amplifie et qui nous fait basculer au nombre des pays, mais je n'y crois pas tout à fait, qui seraient le plus résistants au vaccin. Et vous dites aussi qu'il y a des systèmes de santé qui ont été mis en place depuis le 19e siècle, les dispensaires, mais également la médecine scolaire, la médecine du travail, qui ont progressivement, sous les coûts de réduction des coûts justement de la santé dans notre propre pays, qui ont été mis à mal et qui, d'une certaine façon, ne font plus le travail de relais qui était le leur auparavant parce qu'ils sont trop faibles, ils sont trop méprisés par certains pour pouvoir justement permettre de faire passer les messages de prévention, les messages de vaccination, etc. Anne-Marie Moulin. Mais là, je crois que c'est un des messages qu'on avait essayé de faire passer au moment de la consultation populaire sur les vaccins. C'est le fait qu'il y avait deux lieux de fabrication du citoyen qui actuellement sont complètement en déroute. L'armée, il n'y a plus de service militaire, donc elle ne joue plus de rôle dans la fabrication du citoyen. Et l'école peine aussi à suivre. La médecine scolaire est en grande difficulté. Elle ne joue guère de rôle dans l'entraînement de la vaccination, alors qu'elle en était autrefois le pilier. Quant à la médecine du travail, c'est un peu la même chose. La médecine du travail, vous avez raison, il ne faut pas l'oublier. La médecine du travail est en crise, dirons-nous gentiment. Alors, c'est d'autant plus vrai, dites-vous, Anne-Marie Moulin, que, comme le pensent beaucoup de médecins, chaque fois qu'on règle un problème en médecine, on en crée d'autres. Il y a de nouvelles questions qui se posent aux médecins. C'est-à-dire qu'on pense avoir résolu une question, bah, par exemple l'éradication de la variole, mais évidemment, on a d'autres questions qui se posent et parfois la possibilité que cette variole puisse renaître à un autre bout de notre planète. Et donc, comment peut-on accueillir cette possibilité d'une nouvelle épidémie quand on avait pensé qu'il n'y aurait plus jamais cette épidémie-là? Alors, le problème avec la médecine générale, c'est que expliquer à une famille l'intérêt des vaccins, c'est entrer dans un débat qui prendra pas 2 minutes, notre émission dure 1 heure, mais facilement 3 quarts d'heure, ce qui est assez difficile dans le cadre du fonctionnement de la médecine d'aujourd'hui, parce que les malades sont beaucoup plus informés, ils lisent et surtout ils ont des portables sur lesquels ils apprennent beaucoup de choses. Donc le débat scientifique sur les vaccins est complexe et peut difficilement être réglé en 2 ou 3 phrases brèves, quand autrefois il suffisait que le médecin d'autorité indique un vaccin et le malade obtempérait. Ce n'est plus le cas, en particulier pour les enfants. Les familles sont extrêmement demandeuses et éludent, si possible, le recours à une chimie dont ils ont peur et dont, effectivement, ils ne maîtrisent pas tous les arcanes, mais le médecin non plus. Et c'est là la difficulté. Oui, c'est-à-dire que c'est une question de... On parlait tout à l'heure de foi pour la foi pastorienne. C'est une question qui ne serait peut-être pas une question de foi, mais en tout cas une question de confiance qui est posée dans la relation entre le médecin et ceux qu'ils soignent, et celles qu'ils soignent. Tous ces rouages qui actuellement sont un petit peu grippés et qu'on a beaucoup de mal à remettre en marche. Les médecins, par exemple, proposent d'avoir une consultation vaccination au cours de laquelle ils peuvent s'entretenir de la littérature scientifique, des derniers problèmes sur les adjuvants et d'avoir un entretien lettré et informé avec leurs patients. Mais ça supposerait une refonte du système des consultations. Oui, et on voit bien aussi que le travail des historiennes et des philosophes des sciences que vous êtes, Anne-Marie Moulin, a aussi conduit à complexifier le système, puisque auparavant on pensait que le microbe expliquait la maladie, et on entend aujourd'hui des spécialistes comme Norbert Gualde qui disent par exemple le microbe n'explique pas une épidémie. Et donc on se dit, bah alors si le microbe n'explique pas une épidémie, c'est donc que c'est beaucoup plus complexe, et c'est ce qu'on fait depuis le début de cette heure avec vous, Anne-Marie Moulin, c'est qu'il y a des conditions sociales, des conditions culturelles, des conditions anthropologiques, des conditions politiques qui sont aussi à l'œuvre, et que tout cela, évidemment, ça n'est pas simple à expliquer, Anne-Marie Moulin. Et c'est pour ça que la preparedness comporte une surveillance. Cette surveillance, c'est au fond une mobilisation de toute la société. Alors, c'est gênant de penser qu'elle pourrait passer par des dénonciations. Quelque part, ah bah la oui. Surveillance d'une maladie, la surveillance d'émergence d'épidémie, ça passe quelque part par le regard social, qui n'est pas forcément un regard bienveillant. Et c'est là qu'on voit à quel point l'histoire se répète. Elle n'est particulièrement pas bienveillante sur les marginaux, les migrants, etc., qui seront le bouc émissaire tout trouvé. On sait très bien que pendant l'épidémie de grippe espagnole, eh bien, chacun des pays touchés a considéré que la maladie venait du pays adversaire, du pays voisin, que les Français ont considéré que c'était une maladie qui venait de l'Est, et donc c'était les Allemands qui l'apportaient, cette maladie. C'était une maladie allemande. Donc on voit bien que dans tous les contextes, on cherche le bouc émissaire dont vous parliez tout à l'heure, Anne-Marie Moulin. Il vient toujours de l'autre côté de la frontière. Oui, et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, avec les migrations multiples, on va trouver forcément des boucs émissaires multiples à ces épidémies qui pourraient se développer à un moment ou à un autre, puisque on est dans un monde mouvant, on est dans un monde nomade dans lequel les populations bougent peut-être plus qu'elles ne bougeaient auparavant, même si on sait qu'elles bougeaient beaucoup auparavant. Et donc, à partir de ce moment-là, on va trouver les boucs émissaires afférents. Vous évoquiez le terrorisme tout à l'heure. C'est une grande question pour les historiens et pour les biologistes à laquelle ils répondent pas tout à fait, à savoir est-ce qu'il est possible que des épidémies deviennent une arme de guerre? Nous savons à coup sûr que les grands pays ont fabriqué, y compris la France d'ailleurs, des armes bactériologiques. On était âgé comme moi et qu'on faisait son service militaire, on avait une préparation à l'arme bactériologique, c'est-à-dire qu'on nous faisait des préparations qui étaient censées nous protéger, nous, en l'occurrence militaire, si on l'avait été mobilisé contre ces armes bactériologiques qui auraient frappé évidemment les populations civiles, j'imagine. Alors s'il y a des réservoirs d'armes biologiques, d'armes bactériologiques dans le monde, et il y en a certainement, est-ce qu'il est vraisemblable que cette arme soit mise en œuvre ? L'effet de panique pourrait effectivement être décisif au cours d'une guerre classique. Mais en même temps, il est peu probable que des organisations terroristes, avec un certain degré de sophistication, aient accès à des stocks de bactéries virulentes. Par exemple, des varioles, des virus varioleux qui seraient résistants à tout. Des nouvelles souches qui ont été modifiées par génie génétique. Le génie génétique est capable effectivement de transformer ce monde bactérien, c'est-à-dire que non seulement ce monde bactérien n'est plus seul en cause, mais quelque part transformé, il pourrait devenir à son tour une arme. C'est là certainement une des angoisses de notre période. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait pas céder à la peur, mais vous êtes en train de nous foutre la trouille. C'est tout à fait possible que des gens soient en train de préparer des armes bactériologiques qui pourraient nous atteindre. Et ça, c'est effectivement très compliqué, parce que quand on se retrouve face à ces déclenchements d'épidémies à un bout du monde, la question c'est de savoir quel temps faudra-t-il pour qu'ils nous rejoignent. On a l'impression que une des protections que l'on se donne dans nos pays occidentaux, c'est de se dire, ben voilà, on a un système de santé qui fonctionne, etc., etc. Ça ne viendra pas jusqu'à nous. Et que, confiné au fond de l'Afrique ou de l'Asie, eh bien, on sait que c'est terrible pour ceux qui le subissent, mais que cela ne fera pas de nous des victimes potentielles. Mais ça n'est pas vrai, en l'occurrence. Ça n'est pas tout à fait vrai. Au moment d'Ebola, précisément, un des arguments de Médecins Sans Frontières, quand il a voulu un peu secouer l'inertie internationale, a été de dire que, oui, ça se situe quelque part dans la forêt profonde, mais ça peut très vite arriver chez vous. Et cet argument est un argument très fort de la santé globale. C'est un argument au nom de la solidarité, mais aussi au nom du danger commun. D'une qui peut sorte arriver de très vite. Et aussi un peu d'un certain cynisme, d'une certaine façon, en se disant, bah voilà, si je suis touché, je vais tout de même aider les Médecins du Monde à traiter la maladie là où elle s'est déclenchée. L'altruisme a souvent de bonnes raisons. Et lorsque vous travaillez vous-même en tant que médecin spécialiste de médecine tropicale, Anne-Marie Moulin, comment sait-on comment une maladie qui se déclenche devient une épidémie? Est-ce qu'on a trouvé les moyens de le percevoir? C'est-à-dire premier moment où on voit naître Ebola, comment sait-on que cela peut devenir une épidémie qui va décimer des centaines et des milliers de personnes? Vous posez la question cruciale qui mobilise précisément actuellement les médecins, les ONG, les gouvernements en Afrique de l'Ouest. C'est comment être sûr qu'au premier symptôme, il se déclenche une alarme, ce qui suppose une sorte de regard. Foucault parlait autrefois de panoptique, c'est-à-dire que quelque part la société est surveillée et les troubles qui donnent naissance à l'épidémie sont identifiés. Et c'est là une des grandes difficultés. Dans un pays qui est relativement peu médicalisé, comment arriver dans le chaos des diarrhées, des hémorragies, des fièvres en tout genre, comment arriver à percevoir le patient zéro? C'est là le défi des systèmes de renseignement qui fonctionnent mal dans la plupart des pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de rêve ou de cauchemar à chercher ce patient zéro? Parce que tout compte fait, le trouvera-t-on jamais? Et aurait-on pu trouver le patient zéro de la peste noire qui a décimé un tiers de l'Europe aux alentours de 1348-1350? Est-ce que ça aurait été utile? Est-ce qu'on aurait pu en tirer profit? Est-ce que c'est une vision très contemporaine que cherchait ce patient zéro, ou est-ce qu'on aurait pu l'appliquer à d'autres périodes de l'histoire et des épidémies? La plupart du temps, on l'applique. Par exemple, le grand Saint-Antoine dont vous parlerez à cause de la peste de Marseille, on a pratiquement les patients zéro. C'est pas le, c'est les. Le bateau débarque. Oui, c'est le bateau qui débarque en 1720. Le bateau débarque sa marchandise alors qu'il est normalement, il est interdit de séjour. Et on a retrouvé l'épave du bateau au fond de l'eau. Et on sait que par entente secrète avec les marchands de Marseille, on a débarqué les marins et les marchandises. c'était bien les patients zéro. Et donc, la recherche de ce patient zéro prend beaucoup de temps aux organisations comme l'Organisation mondiale de la santé et tous les experts qui y participent, justement. C'est assez difficile. Ce qui avait été très nouveau dans Ebola, c'est qu'Ebola a atteint les villes. En général, les épidémies, elles naissaient au cœur des ténèbres, suivant la formule du roman de Conrad. Et là, au contraire, quelque part, ça s'est passé dans les hôpitaux eux-mêmes, dans les structures sanitaires, dans la mesure où elles concentraient les malades. Il y a eu des foyers d'épidémie qui se sont créés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à crier trop tôt à l'épidémie? Au risque qu'au bout du compte, cette épidémie ne se déclenche pas telle qu'on l'a imaginé, et donc à mettre le doute dans les populations concernées. On sait que le SRAS, que la H1N1 a été à un moment promue comme une épidémie qui pourrait se mondialiser à très grande vitesse et donc tuer un très grand nombre de personnes. Ça n'est pas advenu, et c'est fort heureux. Mais justement, qu'est-ce que ces alertes qui sont déclenchées provoque dans une société comme la nôtre et chez des citoyens et citoyennes comme nous? Il y a une expression que j'aime bien en Afrique, le français africain dit « ça nous fatigue », pour dire « ça nous ennuie, ça nous… » etc. Eh bien, il y a une fatigue, tant on crie au loup que finalement, quand le loup arrive, on ne l'aperçoit plus. Et il s'instaure dans la population un état de fatigue. On ne peut pas vivre en permanence en état d'alerte. Et quelque part, effectivement, l'alerte disparaît et il y a une sorte... Et les processus de protection aussi, d'une certaine façon. Et on s'endort, on se fatigue. C'est tout à fait le message, et peut-être qu'on va, au fond, conclure un peu là-dessus. C'est le message de la peste de Camus. On se fatigue, on se laisse aller, on s'endort, on renonce. Et donc, il ne faut pas renoncer, même si on a été déçu de voir des alertes multiples, non pas déçu parce que, au bout du compte, elles n'ont pas tué autant, mais des alertes multiples être sans raison ou sans effet, au bout du compte, il ne faut pas se décevoir de cela parce que, tout compte fait, ça prouve qu'il y a suffisamment de volonté pour pouvoir justement alerter les populations de très loin pour dire « attention, ça peut arriver ». Il faut trouver un équilibre entre la panique et l'indifférence. Et c'est la tâche fort lourde, justement, des organes de communication, d'informer sans paniquer, de guider sans contraindre. Voilà un exercice bien difficile et j'espère que nous y aurons un tout petit peu participé. Mais oui, comme dans la fameuse Guerre des mondes de H.G. Wells, telle qu'elle a été mise en onde par Orson Welles pour la radio avant la guerre, qui avait provoqué une panique, dit-on, aux États-Unis, où le secrétaire d'État à la Défense intervient à l'antenne en disant surtout ne paniquez pas, mais puisque à partir du moment où un secrétaire d'État intervient à l'antenne, tout le monde a peur parce qu'il se dit ça n'est pas normal, et bien à partir de ce moment-là, tout le monde commence à paniquer. On voit bien qu'il y a là effectivement une dose à bien doser son effort justement pour ne pas faire peur et en même temps avertir. Merci Anne-Marie Moulin d'être venue pour ouvrir cette série d'émissions consacrée aux sociétés et à leurs réactions face aux épidémies. Merci encore. Une émission préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Jean-Guilain Mège nous a accompagnés à la technique aujourd'hui, Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et nous serons, pour cette émission et cette série d'émissions qui a été préparée et qui sera co-animée avec nous, nous serons demain avec Séverine Liattard pour évoquer la question de la grippe espagnole qui sévissait il y a très exactement 100 ans en Europe. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous rejoindre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.